Public, comment allez-vous? Souhaitant comme la Vierge Marie, qui dit à ses apôtres, et je vous ai fait du pâté au chinois, partagez-en et gardez-vous le crémage pour la fin. Le crémage pour la fin? Ben oui, le petit maïs en crème. Qui en crème? En crème, pas en crème. Non, non, Marie ne commet jamais de crime, elle est Marie. Marie la... Pas certain, moi. Ben voyons donc, vous. Pêcheur. Lâchez cette truite. Pas certain, moi. Ouais, truite. Êtes-vous une truite, monsieur? Pas certain, moi. Non, moi non plus. Là, c'est bien de surprendre notre public actuellement, sauf que pour les habitués, là, ben, on t'a déjà entendu, on sait ce que tu veux dire, là, ouais, on a déjà vu une ma vie est un hey, voyons donc, toi, mais non, mais arrête de me dire ça, voyons donc, ça manque de respect. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, on manque de respect? Hey, dans les années 50-60, là, si tu en manquais, tu recevais derrière la tête, non pas des beautés fatales en disant « Ah, t'es le meilleur, t'es téflon, et c'est toi qu'on amènera ainsi jusqu'à l'âge adulte, tu deviendras hein, comme cela le grand roi de ton empire. » Ouais que Ticu Baudouin, lui, a fondu comme le fromage pour être le roi de la poutine. À Gatineau, si vous passez, Madame Gatineau, connaissez-vous ça? Gatineau, c'est... Ben oui, Gatineau. Voyons, les signifiants, tu connais pas ça? C'est dans le coin, là, là-bas. Et puis là, tu vas voir une coulisse de sauce. Ça, c'est sa sauce, sa poutine. Il fait... Non, mais il a étudié longtemps, lui, en publicité. Puis là, il s'est dit, il manque un petit truc à Gatineau, là. Il y a des bars de danseuses, il y a de la belle danseuse. Il s'en souvient, là, un peu. Les cheveux de Rita, hein? Fais donc, tu vas encore en avoir dans la bouche. Oh! Et à 2h15 du matin, hein? Oh les mains, donne-moi des vins de l'ordre. On en a. Oui, ben là, ben jamais j'en ai donné, moi là. Moi, j'étais spectateur, je filmais. Parce que Rita voulait avoir ça en souvenir. C'était ses derniers moments. Non pas qu'elle allait mourir, mais elle prenait sa retraite. 82 ans dans cet A plus encore. Oh, c'était. Non, c'est comme en jumeau, ça. En chemise, ça, c'est de l'histoire, ça. Comme là-bas, la roi de la, le roi de la poutine, il s'était arrangé. Non, non, mais moi, t'as expliqué. Bon, oui, ça te dérange pas. Ouais, ferme le son un peu, là. Mets ça, diapason aigu. Pour que les hautes montent et que les descentes basses. Hein? Insignifiant. Pas bon, cette émission-là, hein? Vous changez de poste. Bon, vous pouvez pas l'aborder. On va ça, nous autres. On a des techniciens internes, OK, qui passent à travers les fils des radios pour tenir la station 89.1 jusqu'à 2h du matin. Après, je ne suis pas comme le docteur Guérito. C'est le docteur Guérito qui a un remède à tout. C'est le Il était très généreux dans la sauce à poutine parce qu'il s'était dit, pour attirer la clientèle, faut amener le citoyen à sa sauce. Là, c'est pas la sauce de Tombouctou, hein, c'est pas la sauce d'Australie, c'est la sauce de chez lui. Là, comme c'était un artisan de l'amour québécoise, l'amour, un amour québécois, comme il aimait son Québec, il avait placé 18 enceintes acoustiques. 18 enceintes acoustiques. Ça veut, ah ouais, en passant, saviez-vous pourquoi il n'y en a pas au ciel? De haut-parleurs? Non? Très simple. C'est parce que Jésus-Christ. Ben oui, ben voyons donc. Moi, je suis monté trois fois, là. J'ai fait des expériences ultra-utérines. Oui, j'avais la vessie qui tombait, moi. Puis ils m'ont dit, on est obligé de te désanimer. OK, on va tout enlever tes bandes dessinées. Moi, ça bandait dessinée depuis trois semaines et demie. Oh, monsieur de monsieur. Je voyais Crazy Carpet, la femme de Bugs Bunny, Crazy Carpet. Tu l'as jamais vu, celle-là, hein? Oui, ouais, c'est ça, c'est dans les bonus. T'as arrêté avant, bon. Parce qu'il faut pas tout dire ça, tout le monde, là. Tout le monde s'imagine que Bugs Bunny n'a jamais eu de copine à part la lapine, là. Pas du tout. C'est Crazy Carpet. Puis avec ses grandes oreilles, là. C'est rien de... Non, non, je vois le pas de punch. Moi, je vois jamais les punchs. Je les bois toutes. Hein? Jus de fruits, hein? Avec des cerises. Des cerises. Des fraises aussi. Moi, on m'avait dit. Tout le monde fait ça avec des cerises, des petits punchs. Hein? Des petits punchs, des gros punchs, des moyens punchs. Bon. Mais moi, je vais prendre l'île d'Orléans dans mon... Je vais recréer l'île d'Orléans dans mon punch. J'ai dit, il est totalement cinglé. Lui, là, il voit l'univers là-dedans, là. Va le faire tourner dans l'anus de Saturne. Et je dis, tu peux pas faire ça! Tu brises tes recettes! Il dit, non, non, non, je réinvente. Tu sais, l'imbécile, le vrai, il y en a au Québec. Là. Ils sont pas tous ailleurs. Ils sont chez nous. On va te nommer. On te nomme actuellement, là. Hein? C'est tout dans le... On s'arrête 30 secondes. Dans ta tête, dans ton imaginaire, actuellement... Tu vois des individus, comme disait M. Moirier. Hein? Tu vois des individus, ces individus-là, c'en est assez. Hein? Nous nous arrêtons, pas du tout. L'émission commence à peine. Oh, hey, le générique était bon, hein? Ça fait 50 ans, c'est bon, les gens la connaissent. Là, formidable. Sachez qu'elle est voyons donc, toi, là, le monde, prends-tu les gens pour des individus? Hein, qu'on va dire, Claude Poirier, sors de ce corps, s'il te plaît. Pas certain, moi. Oui. C'est pas lui qui est là-dedans, hein? Pas certain, moi. Non, moi non plus, là. Peut-être on devrait faire une recherche avec un détective, là. Pas certain, moi. Ben, voyons donc, on va débloquer les lignes. Si Monsieur Colomnicaz, non, c'est Colombo, je ne peux pas parler à Peter Falk, puis on sait que Peter Falk est mort. Là. Peter Falk a vécu des moments très difficiles, et ça, je trouve ça dommage pour nos artistes. Ils ne devraient pas s'éteindre comme cela. Par exemple, je vous l'ai déjà dit il y a quelques années, Georges Méliès, le grand Georges Méliès. Cinéma muet, cinéma des premiers temps, celui qui a inventé tous les trucs que vous voyez. Le gars, Godard revisite Spielberg. Ben Spielberg, il n'a rien démonté, Spielberg. Hein? Mais Méliès l'avait tout fait avant. Avait tout fait et il n'y a... Ce mec, je parle de Méliès, n'a jamais étouffé le cinéma, contrairement à l'autre. Là. Pas Godard, là, mais Spielberg. Un gars qui infantilise le septième art. Qui ne le rend, lui, sincèrement, il ne lui rend pas hommage. Contrairement à Scorsese. On s'est confisqué, là. Non, on arrête le plagiat du 7e art parce que Mme Tremblay, qui, elle, a des connaissances gastronomiques, s'est dit que les patates au four étaient meilleures que les patates au feu. Pourquoi? Parce qu'elle mettait pas d'eau. Elle était insignifiante de même, des fois. Elle est perdue dans ses tricots. Elle dit, si tu es à l'envers, à l'endroit, je suis perdue, je suis pas là, où suis-je? J'ai une casse-pêche, coco, ma petite madame! Ma petite madame! Là, elle m'est arrivée avec une expression tout à fait... Jeune yo qui m'exaspère. Ça, je suis pas capable d'entendre ça, là. Salut le gros! Pardon, monsieur? Salut le gros! Ah, c'est moi, ça. Salut le gros! Hey, ouais, hey, salut toi! Comment ça va? Hey! Attention, là. T'as pas besoin de me dire que t'as pas une deuxième année, là. Tout le monde le sait que t'as pas une deuxième année finie, là. Arrête de le dire. Salut le gros! Ben oui! Hey, salut le gros! Ben oui, c'est qui ça, le salut le gros? Hein? Salut le gros! Ben oui! Rita Bibelot, ah ouais, salut la grosse, ah ouais la grosse, hein! Je suis pas le gros, premièrement. Je suis Rénal Legras. Le gras bien calibré, comme mes deux sacoches. Hey, j'ai deux sacoches. J'ai deux sacoches sur mon scooter. L'une qui est lourde, l'autre aussi, sinon tu vas casser la gueule. Si tu te casses un jour la gueule, c'est que t'auras pas bien partagé entre la droite et la gauche, et la gauche et la droite et la gauche, la droite et la droite et la gauche. La comédie musicale vient de naître actuellement, là, hein? Aux petites heures du matin, c'est des petites heures, ça, hein? Je sais pas pourquoi on dit aux petites heures. Ah, mais parce que c'est... Non, les yeux rapetissent, hein? Vers 11h, 23h15, 23h20, les petits yeux de mes tues. Les petits yeux. Les petits yeux des amoureux sont en vie, plein de vie. Oh oui, hein, qu'est-ce que tu regardes, les petits yeux des amoureux? Qu'est-ce que tu regardes, toi, là, hein? Les oiseaux, mal de propos, mal en propos, ils sont enfuis dans un dernier cri. Salut le gros! Calotte à l'envers. Intelligence bien barrée. Caution intellectuelle. Au-delà de la norme, quoique la norme n'est déjà pas très élevée. Mes talons sont aussi intéressants que les propos que cet homme peut avoir. Bref, arrêtons ce discours sur cette personne. J'allais dire encore pour la cinquième fois, individu. Parce que nous lui rendons trop de temps d'antenne actuellement. Salut le gros! Salut. La beauté des textes publics. Non, mais il faut sauter là-dessus. Hey, j'ai sauté sur le cœur de l'âne, moi, là. Pas de l'âme, mais de l'âne. Ça, c'est un âne. Je sais pas pourquoi on imite ça comme ça. Un âne, ça fait pas ça, ça fait... Pourquoi? Parce que les oreilles de l'âne montent puis descendent, puis ils les regardent passer, puis il s'imagine qu'il va s'envoler, puis il s'envolera jamais, parce que c'est pas Bimbo l'enfant volant, lui-là. C'est pas Bimbo l'enfant volant, c'est Dindo l'éléphant volant. Non, il vole pas, lui. Mais il voudrait bien voler. Il fait de l'asthmatique, lui, troisième dame de l'asthmatique. Il n'est plus capable. Hey, on lui place malheureusement trop souvent de la colle à dentier pour pas qu'il perde ses grosses dents. Même Jacques Brel, oh non, ben oui, Jacques Brel, a qualifié les dents de l'âne comme les dents de l'imprudence. C'est vrai, page 18, du troisième tome de l'œuvre intégrale de Jacques Brel, signée par Lou Dabadi et Simone Semal et Didier Leliche, qui s'est malheureusement donné une fin atroce, puisqu'il a mangé tout ce qu'il n'avait pas réussi comme texte, puisqu'on l'a pris à l'arraché, comme on dit dans le milieu musical. Et même, on m'a dit qu'à la lutte professionnelle, à l'arraché, c'est lorsque la deuxième câble touche les amygdales du lutteur, l'adversaire, et qui embrasse ainsi l'arbitre avec la langue. Ah, et puis là, la musique commence, les lumières se tamisent, et c'est l'hommage que nous rendons à notre danseuse préférée qui, aujourd'hui, prend sa retraite. Oh, c'est merveilleux, on l'embrasse. Alors, c'est ça, la beauté des textes bibliques, des danseuses au biblique. Hein? Nous autres, il n'y a aucun problème. On va recevoir des courriels, Gaétan. Oh, efface l'Internet, efface l'Internet. Ça s'efface pas, efface-le quand même. Comment on fait pour se retirer du cybernétique quand il est partout? Partout. Hey, je m'en vais manger, moi, là. J'ai mangé. J'en ai mangé. Ah! Deux livres. Oh! Hey, un moment, s'il vous plaît. Sans m'essuyer la bouche, deux livres que j'en ai mangé. Hey, pas. Hey, puis je voulais pas m'arrêter. En fait, c'est la facture qui m'a dit oh, mais un arrêt final, là. Sinon, tu risques de faire de la vaisselle in vitam paperman. Et comme je suis très jeune, à la fin de la dizaine, de centaines, de milliers de... Je sais pas. Quoi? Oui, je sais un peu. Mais je ne veux pas, comme cela, dire au public mon âge. Parce que quand même, 32 ans, c'est gênant pour les plus vieux et c'est réjouissant pour les plus jeunes. Et quand on est plus jeune, on est plus vieux. Et quand on est plus vieux, on aimerait être plus jeune. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les rénales? Oui. Rénales, oui. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les annales? On va la mettre. On la met dans les annales. OK. Merci beaucoup. C'est mis. C'est me, mommy. I don't need all these on the sun, me, mommy. Je sais que la jeunesse et les autres qui n'ont pas la capacité, et tout le monde a la capacité actuellement, là. Excuse-moi, là, mais on a mis dans tous les cerveaux disponibles, et il y en a, toutes les connaissances générales pour comprendre ce qui va suivre. C'est pas compliqué. Pauline Julien, une chanteuse, interprète, qui était mariée avec qui? Question pour un champion. Attention, c'est Didier Derlich. Non, c'est... comment, le ballon crevé? C'est presque le ballon crevé. C'est Didier Crevé. Didier Crevé, je suis fatigué et emmerdé par tous les courriels que je reçois. Oui, je suis énergique. Parce que on me paie pour l'être. Alors, Pauline Julien avait un mari. Allô? Y a-t-il des hommes disponibles, des horaires, des matières? Oui, OK. Qui est l'homme, l'amoureux, qui a partagé la vie de Mme Pauline Julien. Demandez-vous, c'est quoi, c'est le bazar? Au Québec, on buzz, en France, on rouspète. Moi, je préfère buzzer. Alors... Oui? Gérald Godin? Pardon? Gérald Godin? On n'a rien compris. Gérald Godin? Alors, on a compris. Et c'est malheureusement, c'est refusé. C'est Gérald Godin. Oui, mais c'est refusé. Gérald Godin. Monsieur, vous êtes de mauvaise foi. Vous avez mis mon son plus fort. Donc, vous ne pouvez pas entendre. Ça fait la réserve. Ça ne vous pas entendre. On entend très bien, monsieur, là. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ben, je dis que peut-être que. Non, vous n'êtes pas à l'endroit où on prend le public pour des moins que rien. Quoique, les moins que rien, c'est quoi? C'est des miettes, hein? C'est des tranches de pain qui tombent par terre et qui... Des risées. Et vous êtes pas des risées. Et vous avez dit... Et on vous l'autorise, monsieur. Parce que c'est... Bravo. Alors pour... On vous donne notre amitié la plus sincère. C'est notre amitié la plus sincère que l'on tient dans notre cœur et qu'on ne veut pas donner à personne d'autre que vous, car c'est notre amour à tous. Et monsieur, ça débloque. Mais, ok, mais c'est une ouverture assez éclairante. Les feuilles, elles sont ici. Merci, ma recherchiste. Liliane Barbeli est née ce soir près de moi avec mes feuilles et je la remercie infiniment. Comme le nénuphar sur la grenouille. Oui. Elle dit la grenouille parce qu'elle vient de Trois-Rivières. La grenouille. Bon. Les spécificités des régions, hein? Oh, la grenouille. Tu dis ça partout, là, dans la francophonie. En Suisse, tu dis, avez-vous vu ma grenouille? Pardon, la grenouille, la berdeau? Ah, c'est la grenouille. Monsieur le Président, alors, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété où les grenouilles sont invitées également. Errance rénaldienne. Grenouille. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Si tu vois double, c'est bon signe. Je te le dis. C'est pas une blague. Car aujourd'hui, le 25 juillet 2013... voyons, 2013, moi là... Excuse-moi. Si nous sommes en 2013, je me suis endormi une année avec... Gérald Godin. Et lorsque je m'endors autant de temps, lorsque je me réveille, j'ai une petite fringale. J'aime ça les fringales, moi. J'suis un gars de fringale. J'ai marié une fille de fringale. Puis sa cousine à elle, c'est une fringale. Puis toutes ses amies de mon épouse, ce sont des fringales. Oh, elle se promène, jupe au vent, l'eau rouge à lèvres au front. Oui, ben oui, c'est leur... vous savez que dans certains pays, il y a un troisième œil. Au Québec, il y a une troisième bouche. C'est dans le front. Alors, si vous voyez les jeunes filles avec du rouge à lèvres en bas des cheveux, c'est tout à... les cheveux dans la tête, là, c'est tout à fait normal. Vous êtes au Québec. Bienvenue à tous. Vous verrez jamais... Lorsque vous allez rouler, moi qui ai un nouveau... moi qui se love dans les routes, sur les routes québécoises, je me rends compte que je suis très heureux là, actuellement de faire partie de vous, cher automobiliste. Quoique, si vous me voyez dans le milieu du chemin, là, vous pouvez me frapper, c'est gratos et ça vous donne une carte gratuite à CKRL. OK? Mon scooter est gris et noir, électrique, et il s'appelle... Le Bachung Gainsbourg. Si vous l'immatriculation en arrière, c'est le Bachung Gainsbourg. Frappez-moi, ça vous donne une occasion d'avoir gratuitement la carte de membre de CKRL, le 89.1, pour une année. Vous allez pouvoir bénéficier de rabais au niveau de la bière dans certains bars. Alors, grâce à moi, hein? Bravo. Il est des nôtres, il a frappé son rénal comme les autres. Bravo. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ça. Aujourd'hui, le vendredi 25 juillet 2014, les errances rénaliennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Pourquoi je vois double, là? J'ai-tu mis mes lunettes sur mon troisième nez? Parce que, okay, oh, non, mais les gens qui... Ouais, ça, c'est du saturnien. On s'emporte sur Saturne, hein, quand on voit l'anneau, là. Oh, c'est, on bégayait avec les baguettes, là. On ne bégayait pas avec la bouche, nous aussi, avec les baguettes. On prend la courbe. Le scooter. Bon. Aujourd'hui, le vendredi 25 juillet, on vous l'a dit, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. C'est juillet 2014 en passant. Hein? On est revenu à la durinalité. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et rencontrons ensemble la chanteuse, la musicienne de jazz, Raphaël Atlan. Raphaël Atlan, chanteuse, elle est née le 10 mai 1983 à Paris. Très tôt, attirée par la musique, elle prend des cours particuliers de piano classique dès l'âge de 9 ans. C'est à 15 ans que Raphaël commence les cours de chant avec la spécialiste de la voix, Yael Benzaken. Elle fait ses premiers pas sur scène à 17 ans. S'ensuit très rapidement la rencontre capitale avec le pianiste Serge Forté. Influencée aussi par la soul et le Redman Blues. Oui, il faut que je la joue. Oh, Redman. Il n'y a pas d'écho, non? Et on n'a plus de budget. Redman Blues. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Et laissons la musique nous caresser le corps. Yeah! Yes, yes, coming down fast. Yes, yes, coming down fast. Yes, she is. Yes, she is. Oh, she's coming down fast to the little boy. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she's coming down fast. Yes, she's coming down fast. Yes, she's coming down fast. La la la la la la. Vous allez fonctionner aussi tous les musiciens en même temps pour une chanson. Oui, vraisemblablement. Histoire ouais. De laisser l'énergie. Ouais, de garder. Mais bon, ce sera peut-être plus produit. Il y aura peut-être... Déjà, il y aura certainement plus d'invités. Et puis, Mais il y aura des choses qui seront enregistrées dans des conditions un peu de live, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ouais. Pour donner cette magie-là du ouais. Spectacle. Pour donner la magie de l'instant, quoi. Et d'improvisation. ils pensent éventuellement à des clips pour oui. La... Ouais, ouais. OK. Là, effectivement, je pense que je vais relayer ça par des clips vidéo, tout à fait. C'est important, au jour d'aujourd'hui, d'avoir de la vidéo. Ouais, avec YouTube, ouais. Tu peux te faire connaître et reconnaître. Tout à fait, ouais. Voilà comment ça risque de se passer. Ah ben c'est bien, c'est vraiment très bien. Merci, bon appétit. Est-ce que c'est moitié-moitié français-anglais ou... Ça sera peut-être pas moitié-moitié, mais enfin je pense qu'il y aura... Je ne sais pas combien il y aura de chansons en fait. J'en saurai plus dans quelques mois. Est-ce que tu trouves que l'assiette a l'air de Gainsbourg ou... Je sais pas. Un petit morceau. Ouais, je sais pas. Ben, bon appétit, hein. Mais toi aussi. C'est bien, je trouve. Le visuel est super. Il y a l'air d'avoir la musique là, de ce côté-là. Oui, il y en a plus vers ce côté-là. Il est sympa ce quartier. Mmh. Très artistique. C'est génial. Très artistique. Ouais. Est-ce que tu viens souvent ici? Ben, je joue de temps en temps dans un café qui s'appelle le Saint-Jean. Oui, ben oui, c'est à côté, ouais. Ouais. Alors, t'es connu? Là-bas. Mmh. Tu joues des interprétations pour tes chansons à toi? Ouais. Les deux, en fait. Je fais des chansons à moi, la plupart, et puis des reprises aussi. Mais c'est pas difficile, un endroit où les gens t'écoutent pas vraiment? Oh ben, au Saint-Jean, il y a un peu de tout, hein. Mmh. Ben, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions, hein. Non, c'est pas une scène, hein? Non. Tu fais des tours ou des spectacles d'une heure, plusieurs reprises ou... Des tours? Oui, chez nous, on appelle ça des cercles. C'est-à-dire plusieurs interventions durant une soirée. Par exemple, dans un bar, tu peux faire trois interventions de 45 minutes. Ouais. Moi, c'est des 7 heures. Oui. Et ici au restaurant? Est-ce que tu reprends les mêmes chansons ou tu... Non, c'est à chaque fois différent. Ah, c'est bien. Ouais. Alors, ouais, ça prend du matériel. Ouais. Ouais, aux États-Unis, en général, ils font deux fois les mêmes. Mm-hmm. Ouais. As-tu visité les États-Unis? J'étais à New York. Ah oui, récemment? Mm. Pour le travail ou... Pour aller voir ce qui se passait là-bas et distribuer mon album à droite à gauche. Et puis? Et c'était vraiment un moment excellent parce que j'ai vu beaucoup de concerts, je me suis bien... C'est fou, hein? Je me suis bien inspiré, ouais. Ouais. C'est incroyable. Il y a une énergie... Ah oui, puis... Il y a beaucoup de, beaucoup d'artistes. Ouais, pour cette musique-là, c'est vraiment... c'est important d'aller voir là-bas, quoi. Enfin. Est-ce que ça a bien fonctionné à New York? Mmh. Ouais, j'ai fait un petit concert. J'ai surtout allé voir... Des amis ou... Non, ouais, aller voir ce qui se passait musicalement, et j'ai beaucoup sorti, en fait. J'allais dans les clubs, tout ça. Ça t'a inspiré? Ouais, exactement. Beaucoup de... Ouais, hein. Surtout pour cette raison-là. Mais les voyages, c'est ça, ça nous ouvre vers des horizons. Ouais, c'est important. C'est hyper important. Et puis tes musiciens, eux aussi font plusieurs groupes, font plusieurs... Ouais. Il y a Nicolas

en été, est-ce que tu prends des vacances ou... Oui, je m'arrange pour partir 2 semaines, ouais. Où? Là, je vais aller dans le sud de la France, et puis l'année dernière, j'étais au Portugal, l'année d'avant, j'étais aux Canaries. Ah, c'est bien quand même. J'essaie toujours de partir un petit peu. Ouais. Ouais. Mais Paris, c'est une ville merveilleuse, mais le temps est tellement mauvais. Enfin là, cette année, on a eu un temps tellement mauvais que si on part pas un peu, c'est épouvantable. On peut pas. Mais chez nous aussi, hein. Ouais. C'est de la pluie, c'est de la... On peut pas... On tient pas l'année, quoi. Mm-hmm. Au niveau du moral, on tient pas l'année. Hein. Mais es-tu une fille enjouée? Es-tu une fille... es-tu une fille qui aime la vie? Ouais, ouais, j'aime ça. Ah ouais? Ouais, c'est clair. J'ai besoin de danser, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de soleil. Je peux pas du tout... Et est-ce que le milieu artistique est pas trop difficile, quelquefois? Il faut quand même payer son loyer. Puis, C'est toujours difficile, mais en même temps, c'est tellement beau et on a tellement de chance de faire ce qu'on aime. Oui, mais c'est rare. C'est rare. Dans la vie, surtout. On est des privilégiés. Oui, surtout dans la vie. Ouais. Puis, penses-tu éventuellement saigner? J'aimerais bien enseigner, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de jouer, de pas être trop... Parce que les conservatoires, évidemment, on est obligé d'être là en fixe. Donc, il faut s'organiser, c'est quand même pas facile. Mmh. Mais enseigner chez moi, j'adore. En privé? En cours privé, ouais. Est-ce que c'est des jeunes ou des personnes plus âgées? Non, c'est... Il y a un peu de tout, des personnes plus âgées que moi, des personnes plus jeunes que moi. C'est pour leur plaisir ou éventuellement faire... Non, c'est pour leur plaisir. Ah oui? Il y avait une chanteuse lyrique qui était venue me voir pour parce qu'elle avait un projet contemporain dans lequel on lui demandait d'improviser. Qui était venue me voir spécifiquement pour ça. Ah, c'est bien. Ouais. J'ai eu plusieurs jeunes femmes qui sont venues me voir pour ça. Rarement des hommes. Et les hommes, c'était plus pour vraiment apprendre à chanter, à utiliser leur voix. Mmh. Mais il y a une différence quand même lorsque tu enseignes à un homme et à une femme. Non. Pas du tout. Le style reste le même, la façon de faire reste la même. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est toujours. Moi j'aime beaucoup enseigner en tout cas. Okay. Non, merci. Non. Je trouve que je dis tout le temps merci. D'habitude, non, merci. On l'a dit, mais moi. Moi j'ai vraiment même pas du tout de. J'ai même pas du tout. Je peux pas les donner. Quoi de monnaie? J'ai pas du tout de monnaie, j'ai aucun cash là. Ah. Mais ça arrive souvent ici. Hein. Ouais. À Montréal aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens malheureux. Hein. Ouais, à Montréal aussi. Oui, effectivement. C'est triste. Ouais. La misère, c'est vraiment ce qu'il y a de plus répandu dans le monde. Oui, oui, oui. Effectivement. Et de mieux partager dans le monde. Est-ce que tu viens souvent ici, sur les abeilles ou... Uniquement quand je joue. Okay. Ah oui. Sinon. Bah sinon, je suis un petit peu loin, mais j'ai beaucoup de plaisir à venir parce que je trouve que c'est certainement le quartier le plus charmant de Paris. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté un peu bohème, bon, moins bohème qu'avant. Hein, Oh, won't you celebrate? plus en plus de magasins. Ah oui, ça c'est certain. De fringues, mais. Ah oui. J'ai 10 questions de la fin. On va voir comment tu vas. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. De l'eau de mer. Pourquoi? Parce que je serais dans le grand océan et que ça me plairait bien d'être dans un grand espace comme ça. Oh. Si tu étais une ville. Bah parfois j'ai envie de dire des choses différentes, donc en ce moment ce serait Rio. Ok, pourquoi? Parce que c'est une ville extrêmement vivante et que elle correspond bien à mon caractère. Actuellement. Ou as-tu toujours été comme ça ou Ouais, j'ai toujours été comme ça, mais j'étais pas allée alors. Le fait d'y aller et de voir ça de mes propres yeux, je me dis, ça me va bien comme ville. Ah oui, c'est une ville qui te correspond. Si tu étais une langue. C'est difficile de faire des choix. Moi, je suis nulle à faire des choix. Oui, ben, En ce moment, c'est le portugais avec l'accent brésilien. Est-ce que tu le parles? Je le parle mal. Ok, mais tu te débrouilles? Mais je peux me débrouiller un tout petit peu, ouais. Tu peux te faire comprendre? Ouais, j'arrivais à peu près à me faire comprendre là-bas, ouais. Mais bon, là, il faut que je me mette sérieusement au cours de langue. Ah, tu veux vraiment étudier? Ouais, j'aimerais bien parler ça vraiment très bien, ouais. Ah oui, si tu étais une époque. Le 19e siècle. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien cette époque. Pour l'habillement, pour le. Ouais, pour. Je sais pas, j'ai beaucoup lu de romans classiques, alors ça me parle le 19e siècle. J'ai toujours aimé cette époque. Si tu étais un mot. Oh là là, j'étais un mot. J'ai envie de dire, ça va être mal interprété, mais sensuel. Ok. Non, c'est bien interprété, pourquoi? Il n'y a pas de double. C'est vrai que non, il n'y a pas de double sens, mais ça peut être. Ouais, je. La sensualité. Je fonctionne ça et à l'instant, ouais. Si tu étais un aliment. Alors je serais un fruit, ça c'est sûr. Ok. Peut-être un abricot, une pêche, un truc comme ça. Pourquoi? Pour l'été? Ouais, pour le côté charnel du fruit. Le sens. la sensualité. Ouais. Si tu étais une saison. Ah, je serais le printemps. Pour la renaissance. Pour les promesses. Les promesses? Ouais, les promesses. C'est une saison de promesses, en fait. Ok. Pardon. On sait pas comment tout ça va naître, mais... Ouais, c'est une saison pleine d'espoir. Si tu étais un membre corporel. Des yeux. Pour regarder, admirer. Ouais, regarder, admirer. Moi, j'aime bien tout ce qui est visuel, couleur. J'aime bien apprécier le monde par le regard. Et... Alors, sur scène, tu travailles fort sur l'esthétisme? Non. Non? Non, pas trop. Enfin, pas seulement. Mais bon, ça, enfin, j'attache de l'importance à l'harmonie visuelle, quoi. Et ça, c'est vrai. Dans ta vie? Ouais, en général. Si tu étais un moment de la journée? Le moment où je fais le plus de trucs, c'est l'après-midi, mais j'aime bien le lever du soleil. Ouais, un lever de soleil, c'est bien. J'étais un lever de soleil. Et tu présentes Est-ce que tu le vois? Non, je le vois pas souvent. C'est ça. D'accord. Je le vois pas souvent, mais je me couche tard, ouais. Justement, ça, en fait, c'est un moment privilégié, le lever du soleil, parce que justement, si on en voit un par an, c'est déjà le bout du monde. Pas beaucoup de gens qui voient vraiment le lever du soleil. Et c'est pareil, c'est un moment, c'est comme le printemps, c'est plein d'espoir. C'est vrai. C'est nous et la nouveauté. C'est, moi, j'adore ce moment. die adoring, all my needs left unfulfilled. Possessions took me prisoner, my dreams are locked, my hands are tied. But courage is the one thing I can't buy. I'm drowning. Reality. my prisoner, my dreams are locked, my hands are tied. Courage is the one thing I can't find. We built up this world that's made of figures, made of gold. When nature is a memory so ancient, we all feel too old. Otherwise, our world. Si tu étais un autre individu, si j'étais quelqu'un d'autre, je crois que j'aimerais pas être quelqu'un d'autre. En fait. Non. Non. Mmh. Ok. Non. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Avec mes connaissances actuelles, peut-être que j'essaierais de gagner du temps sur certaines choses, mais oui, je ferais le même chemin. Ouais. Mais certaines choses. Sur des décisions, ou c'est, niveau, ouais, c'est personnel. Sur, au niveau, ouais, au niveau professionnel pour m'orienter plus rapidement vers tel ou tel élément, mais en même temps on est le produit d'une histoire, de nos erreurs, nos expériences. Donc je crois que j'aurais eu du mal à faire différemment, mais je me sens tout à fait à ma place, en tout cas dans la musique, dans le piano et dans le chant. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, tu te sens à l'aise. Donc, je me sens bien. Et surtout que tu peux en vivre, comme on le disait tout à l'heure. Heureusement pour moi, ouais, tout à fait. J'ai beaucoup de chance. Et crois-tu éventuellement venir faire un petit tour au Québec? Ah, ouais. Je vais venir. J'allais rendre visite à mon ami là-bas. Ah, ouais, à Montréal. Ouais. À Québec. À Québec, oui. Puis en plus, il y a plusieurs petites salles, des petits cafés intéressants. Ouais. Je vais aller voir ça, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y en a une qui s'appelle le Petit Champlain, là. Une salle incroyable. 250 places, mur en pierre. Mmh. Mmh. Lorsque Jacques Higelin vient en spectacle, c'est toujours là. 250 places, c'est incroyable. Ah oui, je vais noter le nom. Hein. Super. Arthur H. aussi va au Capitole, d'accord. Qui est vraiment au centre-ville de Québec. C'est, d'accord. C'est des belles salles. Des belles salles qui sont pas trop... encombrante, c'est-à-dire que 300-400 places, là, c'est le maximum. Donc, c'est intimiste et ça reste aussi très chaleureux. On se sent proche des artistes. Oui, vraiment. Là. C'est quoi qui attire les abeilles? C'est quoi? Il n'y a plus d'abeilles, c'est une guêpe maintenant. C'est une guêpe, là? Oui. Ah ouais? On n'en a plus d'abeilles. Mais alors, comment tu m'as trouvé sur Internet comme ça et voilà. C'est le lien avec des amis. On a des amis similaires. Mm-hmm. Et tu avais placé un clip. Est-ce que ça se peut, t'as fait... Ouais. C'est ça. J'ai regardé. J'ai trouvé ça bien, mais souvent, quand je trouve ça bien... Lorsque je vais voir ta personne, elle irait soit à Nice, à Marseille ou... Donc là, ça vient tomber, c'est Paris. Là, je dis, je vais oser, au pire. Ah, c'est bien, c'est gentil. Pas. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté le coup. Mais ça fait donc longtemps, ça fait déjà un an. Mmh. Ouais. Et là, je me suis sur ma liste à venir. Les gens que je n'ai pas rencontrés, là, depuis 4 ans, je fais ça. Pour essayer de me réinviter à chaque fois. D'accord. Puis à un moment donné, quand après 3-4 fois ça ne fonctionne pas, je me dis que peut-être que c'est de l'autre côté. Mais souvent, la deuxième année, hein, ça fonctionne. C'est ça fonctionne. Puis je me dis qu'un jour ou l'autre, ça va fonctionner. Je crois pourquoi à un moment donné, ça va. On arrive à se rencontrer. Ben, ça peut pas ne pas fonctionner. Puis en plus, c'est très petit, hein. La planète est très petite, donc... C'est vrai qu'en fait, c'est petit, en fait. Ah oui? En fait, le monde est petit, ouais. Ben, surtout que lorsque tu commences à parler avec des artistes, tu dis « Ah oui, j'ai rencontré cette personne-là. Ah, oh, ben j'ai déjà travaillé avec. J'ai fait sa première partie. Là, ouais, là, ça voilà. Commence. Donc, ça prouve que le monde artistique ici, même si ça paraît très, très, très grand, c'est petit. C'est vraiment des clics. Ouais, c'est un petit monde. Hein. C'est pareil, ouais. Quand je suis allée à New York, finalement, j'ai assez vite vu plein de gens que je connaissais. Dans le métro, j'aborde quelqu'un, il connaissait très bien un des copains qui était là sur place depuis longtemps, que j'étais venue voir. Enfin bon, c'est le hasard, et c'est incroyable, le monde de la musique et de l'art en général. Mm-hmm. C'est vrai que souvent... Alors ça peut aider. Oui, bien sûr, pour rester en contact avec quelqu'un. Mm-hmm, c'est ça, puis souvenir. Si quelqu'un a besoin d'une pianiste ou d'une chanteuse, tu pourrais peut-être... Et comme ça, l'autre du groupe va voir que tu es là. Donc, il va... Exactement. Merci. Ben, je crois que la guêpe est après toi. Là. Ah, ça y est, elle a changé de camp. Il y a moins à manger par contre chez moi. Ça y est, j'ai tout mangé. Pardon? Il y a moins à manger dans mon assiette. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as-tu mis du parfum? Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, elle est très attachante. Est-ce que tu vas voir des spectacles régulièrement ici? À Paris? Mm-hmm. À Paris? Oui, je me débrouille pour moi tous les 4-5 mois à faire un concert en mon nom. Et sinon, j'arrive à. Et sinon, il y a les petits clubs comme ça. Ah, oui. Mais dans les gros de la rue des Lombards, là, pour le jazz. J'essaie d'être là-bas tous les 4-5 mois. Ouais. Ben écoute, on va clore ici notre rencontre. J'espère qu'on va pouvoir se rencontrer incessamment à avec Québec. Avec plaisir. Et tout est ouvert. Hein? Tu es à ton deuxième album. Exactement. Tu le prépares. Donc en 2014, tout sera lancé. Ouais. Normalement, tout sera bien lancé, là, c'est sûr. Et tu travailles sur le deuxième, sur les clips du deuxième album. Et après, je travaillerai sur les clips. Là, c'est pas tout de suite, mais. Non, mais il faut que l'album soit sorti. Voilà, dès que l'album sera lancé, on va faire les clips et puis complètement. Et grâce à YouTube, ça va faire la planète. Il faut, ouais. Il faut utiliser tout ça. Ouais. Ben, écoute, au plaisir de se rencontrer avec Québec. Au plaisir aussi. Ben, merci Raphaël. Merci beaucoup Renan. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Get me so confused, I can't even explain what this I'm trying to fight in vain. Like to tease and play, I can see right through your game. Voice think they hold sway, but the tricks are all the same. Yet I must admit that I'm losing ground today. Guess I'm back to square one once again. Once again. The signs are clear, the symptoms are so plain. You intoxicate my soul and brain. I thought life would grant me the respite I deserve. Having just spent weeks recovering my nerve, but my damaged heart is feverish and in pain. Could it be that I'm in love again? In love. Attraction, you just obey. we're all meant to fall someday. But no one can answer the question, will I be hurt? Or will I reach the stars right away? Right away. Si tu vas là, tourner à gauche là, à gauche encore, et aller sur l'édifice là, tu dois aller à droite et à gauche et à gauche. Ok? À gauche ici, à gauche, à droite, à gauche, et à droite, chemin 5 fois, et tout droit. C'est indiqué? Non, mais à chemin 5 fois, tu peux aller à Saint-Denis. C'est plus facile. Et tu dois aller à gauche, et à gauche, et la prochaine rue à droite, et la prochaine rue à gauche, et à gauche. OK? OK. Et alors, à droite, à chemin 5 fois, et tout droit. OK. OK. Merci. Merci. Salut. Bye bye. Bye. Merci. Tu dois aller à gauche. Où ça? À gauche. Et la prochaine rue à droite. Oh, la prochaine rue à gauche. Oh, la prochaine rue à gauche. Ah, dis-tu à gauche ou à droite, Claude? Du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre accorde au gouvernement des pouvoirs très étendus. Elle met aussi en suspens l'application de la Déclaration canadienne des droits de l'homme. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, qu'il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Laure les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Haronois, de Québec Cartier Mining, de la Noranda les connaissent eux aussi ces raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay, de la rue Panay, vous ne puissiez vous payer des vestes d'or avec de la belle zizik et du pink flag, comme l'a fait Draco l'aristocrate. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Mme Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération dans la bière du chien à Molson. Il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Dumpcar à Windsor et à East Angus les savent. Les travailleurs de la Scribble et de la Ayers, les gars de la Régie des alcools et ceux de la 7-Up et de Victoria Precision, les cols bleus de Laval et de Montréal, et les gars de la Palme en savent des tas de raisons. Nous en avons soufflé le fédéralisme canadien qui place la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Meeple, Timmons, Geoffrion, J.L. Lévesque, Urshorn, Thompson. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Ces big boss de l'économie et de la politique veillent à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Terrorisés par l'Église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins en moins, terrorisés par les lieux fermés de la science et de la culture que sont les universités. Travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Faites-vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Vous seul êtes capable de bâtir une société libre. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec.